Chapitre 3. La comptabilité de Tintin. Il est vrai que j'ai donné, depuis que je suis arrivée, d'assez grosses sommes. Un matin 800 francs, l'autre jour 1000 francs, un autre jour 300 écus. Lettre de Madame de Sévigné à Madame de Grignan, 15 juin 1680. Tintin, dès son arrivée dans la cour de l'école, commença par prélever, auprès de ceux qui avaient leur cahier, une feuille de papier brouillard afin de confectionner tout de suite le grand livre de caisse sur lequel il inscrirait les recettes et les dépenses de l'armée de Langeverne. Il reçut enfin des mains des cotisants les 35 sous prévus, empocha des payeurs en nature 7 boutons de taille et de formes diverses, plus 3 bouts de ficelle, et se mit à réfléchir profondément. Toute la matinée, le crayon à la main, il fit des devis, retranchant ici, rajoutant là. À la récréation, il consulta le Braque et Camus, et la Crique, les principaux en somme, sans qui du cours des boutons, du prix des épingles de sûreté, de la valeur de l'élastique, de la solidité comparée, des cordons de souliers. Puis, en fin de compte, résolut de prendre conseil de sa sœur Marie, plus versée que tous dans ces sortes d'affaires et cette branche du négoce. Au bout d'une journée de consultation, et après une contention d'esprit qui faillit à plusieurs reprises lui mériter des verbes et la retenue, il avait barbouillé 7 feuilles de papier, puis dressé tant qu'à peu près, et sauf modification, le projet de budget suivant qu'il soumit le lendemain, dès l'arrivée en classe, à l'examen et à l'approbation de l'Assemblée générale des camarades. Budget de l'armée de Langeverne. Boutons de chemise, 1 sou. Boutons de tricot et de veste, 4 sous. Boutons de culotte, 4 sous. Crochets de derrière pour pattes de pantalon, 4 sous. Ficelle de pain de sucre pour bretelles, 5 sous. Lastique pour jarretière, 8 sous. Cordon de souliers, 5 sous. Agrafe de blouse, 2 sous. Total, 33 sous. Reste en réserve en cas de malheur, 2 sous. « Et les aiguilles? Et le fil que t'as oublié ?» observa la Crique. « Hein? On serait des propres cocos si j'y songeais pas. Avec quoi qu'on se raccommoderait ?»« C'est vrai, » avoua Tintin. « Alors changeons quelque chose. Je suis d'avis qu'on garde les deux ronds de réserve. » émit le Braque. « Ça oui, » approuva Camus. « C'est une bonne idée. On peut perdre quelque chose. Une poche peut être percée. Faut songer à tout. » « Voyons, » reprit la Crique, « on peut rogner dessous sur les boutons de tricot. Ça se voit pas, le tricot. Avec un bouton au-dessus, deux au plus, ça tient assez. Il n'y a pas besoin d'être boutonné tout du long comme un artilleur. » Et Camus, dont le grand frère était dans l'artillerie de forteresse et qui buvait ses moindres paroles, entonna là-dessus, guilleré et à mi-voix, ce refrain entendu un jour que leurs soldats étaient venus en permission. « Rien n'est si beau qu'un artilleur sur un chameau, rien n'est si vilain qu'un fantassin sur une pu... » Toute la bande, éprise de choses militaires et enthousiaste de nouveautés, voulut apprendre aussitôt la chanson que Camus dut reprendre plusieurs fois de suite, et puis on en revint aux affaires, et en continuant l'épluchage du budget, on trouva également que 4 sous pour des boucles ou crochets de pantalon, c'était exagéré. Il n'en fallait jamais qu'une par falzar, encore beaucoup de petits n'avaient-ils pas de culotte avec pas de bouclant derrière. Donc en réduisant à 2 sous ce chapitre, cela irait encore et cela ferait 4 sous de disponibles à employer de la façon suivante. 1 sou de fil blanc, 1 sou de fil noir, 2 sous d'aiguille assortie. Le budget fut voté ainsi. Tintin ajouta qu'il prenait note des boutons et des ficelles que lui avaient remis les payeurs en nature et que le lendemain, son carnet serait en ordre. Chacun pourrait en prendre connaissance et vérifier la caisse et la comptabilité à toute heure du jour. Il compléta ses renseignements en confiant en outre que sa sœur Marie, la cantinière de l'armée, si on voulait bien, avait promis de lui confectionner un petit sac à coulisses comme ceux où ce qu'on mettait les billes, pour y remiser et concentrer le trésor de guerre. Elle attendait seulement de voir la quantité que ça ferait pour ne le faire ni trop grand ni trop petit. On applaudit à cette offre généreuse et la Marie Tintin, bonne amie comme chacun savait du général Le Braque, fut acclamée cantinière d'honneur de l'armée de Langeverne. Camus annonça également que sa cousine, la Tavie des Planches, se joindrait aussi souvent que possible à la sœur de Tintin. Et elle eut sa part dans le concert d'acclamations. Bacaillé toutefois n'applaudit pas. Il regarda même Camus de travers. Son attitude n'échappa point à la Crique le vigilant et à Tintin le comptable, et ils se dirent même qu'il devait y avoir du louche par là-dessous. « Ce midi, fit Tintin, j'irai avec la Crique acheter le fourbi chez la mère Maillot. »« Va plutôt chez la Julaude, » conseilla Camus. « Elle est mieux assortie, qu'on dit. » « C'est tous des fripouilles et des voleurs, les commerçants. » Trancha, pour les mettre d'accord, le Braque, qui semblait avoir, avec des idées générales, une certaine expérience de la vie. « Prends-en, si tu veux, la moitié chez l'un, la moitié chez l'autre. On verra pour une autre fois où ce qu'on est le moins étrillé. Vaudrait peut-être mieux acheter en gros, » déclara Boulot. « Y aurait plus d'avantages ?» Après tout, fais comme tu voudras, Tintin, t'es trésorier. Arrange-toi, tu n'as qu'à montrer tes comptes quand tu auras fini. Nous, on n'a pas y fourré le nez avant. » La façon dont le braque émit cette opinion coupa la discussion, qui eût pu s'éterniser. Il était temps, d'ailleurs, car le père Simon, intrigué de leur manège, l'oreille aux écoutes, sans faire semblant de rien, passait et repassait pour essayer de saisir au vol quelques bribes de leur conversation. Il en fut pour ses frais, mais il se promit de surveiller avec soin le braque, qui donnait des signes manifestes et extrascolaires d'exaltation intellectuelle. La crique, ainsi appelée parce qu'il était sec comme un coucou, mais par contre éveillé et observateur autant que tous les autres à la fois, éventa la pensée du maître d'école. Aussi, comme Tintin se trouvait être en classe le voisin du chef, et que l'un pincé, l'autre pourrait se trouver compromis et fort embarrassé pour expliquer la présence dans sa poche d'une somme aussi considérable, il lui confia qu'il eut, durant le cours de la séance, à se méfier du vieux dont les intentions ne lui paraissaient pas propres. À 11 heures, Tintin et la crique se dirigèrent vers la maison de Jules Aude, et après avoir salué poliment et demandé un sou de bouton de chemise, ils s'enquirent du prix de l'élastique. La débitante, au lieu de leur donner le renseignement sollicité, les fixa d'un œil curieux et répondit à Tintin par cette doucereuse et insidieuse interrogation. « C'est pour votre maman ?»« Non !» intervint la crique, défiant. « C'est pour sa sœur !» Et comme l'autre, toujours souriante, leur donnait des prix, il poussa légèrement du coude son voisin en lui disant « Sortons !» Dès qu'ils furent dehors, la crique expliqua sa pensée. « T'as pas vu cette vieille bavarde qui voulait savoir pourquoi, comment, où, quand et puis encore quoi ? Si nous avons envie que tout le village le sache bientôt que nous avons un trésor de guerre, y a qu'à acheter chez elle. Vois-tu, il faut pas prendre ce qu'il nous faut tout d'un coup, ou bien cela donnerait des soupçons. Il vaut mieux que nous achetions un jour une chose, l'autre jour une autre, et ainsi de suite. Et quant à aller encore chez cette sale câble-là, jamais. Ce qui est encore mieux, répliqua Tintin, vois-tu, c'est d'envoyer ma sœur Marie chez la mère Maillot. On croira que c'est ma mère qui l'envoie en commission, et puis tu sais, elle s'y connaît mieux que nous pour ces affaires-là. Elle sait même marchander, mon vieux. T'es sûr qu'elle nous fera avoir la bonne mesure de ficelle et 2 ou 3 boutons par-dessus. T'as raison, convint la crique. Et comme il rejoignait Camus, sa fronde à la main, en train de viser des moineaux qui picoraient sur le fumier du père Gugu, ils lui montrèrent les boutons de chemise en vert blanc cousus sur un petit carton bleu. Il y en avait 50 et ils lui confièrent qu'à cela se bornaient leurs achats du moment, lui donnèrent les raisons de leur abstention prudente et lui affirmèrent que pour 1 heure, tout serait quand même acheté. De fait, vers 12h30, comme le braque sortant de table se rendait en classe les mains dans les poches, en sifflant le refrain de Camus alors fort à la mode parmi eux, il aperçut, l'air très affairé, sa bonne amie qui se dirigeait vers la maison de la mère Maillot par le trajet des cheminées. Comme personne n'était à ce moment sur le pas de sa porte et qu'elle ne le voyait pas, il attira son attention par un tirouille discret qui la prévint de sa présence. Elle sourit, puis lui fit un signe d'intelligence pour indiquer où elle allait, et le braque, tout joyeux, répondit lui aussi par un franc et large sourire qui disait la belle joie d'une âme vigoureuse et saine. Dans la cour de l'école, dans le coin du fond, tous les yeux des présents fixaient obstinément et impatiemment la porte, espérant d'instant en instant l'arrivée de Tintin. Chacun savait déjà que la Marie s'était chargée de faire elle-même les achats et que Tintin l'attendait derrière le lavoir pour recevoir de ses mains le trésor qu'il allait bientôt présenter à leur contrôle. Enfin il apparut, précédé de la crique, et un « Ah !» général d'exclamation salua son entrée. On se porta en masse autour de lui, l'accablant de questions. « As-tu le fourbi ? Combien de boutons de veste pour un sou ? Y en a-t-il long de ficelle ? Viens voir les boucles ! Est-ce que le fil est solide ? Attendez, nom de Dieu ! » gronda le braque. « Vous n'entendrez rien du tout, et si tout le monde lui grimpe sur le dos, personne ne verra. Allez, faites le cercle. Tintin va tout nous montrer. » On s'écarta à regret, chacun désirant se trouver être le plus près du trésorier et palper si possible le butin. Mais le braque fut intraitable et défendit à Tintin de rien sortir de sa profonde avant qu'il ne fût absolument dégagé. Quand ce fut fait, le trésorier, triomphant, tira un à un de sa poche divers paquets enveloppés de papier jaune et dénombra. « 50 boutons de chemise sur un carton !»« Oh merde !» 24 boutons de culotte. Ha ha. 9 boutons de tricot, un de plus que le compte, ajouta-t-il. Vous savez qu'on n'en donne que 4 pour un sou. C'est la Marie, expliqua le braque, qui l'a eu en marchandant. 4 boucles de pantalon. Un bon mètre d'élastique. Et Tintin l'étendit pour faire voir qu'on n'était pas grugé. 2 agrafes de blouse. Sont-elles belles, hein? Fit le braque, qui songeait que l'autre fois, s'il en avait eu une, peut-être... Enfin bref. 5 paires de cordons de souliers, renchérit Tintin. 10 mètres de ficelle, plus un grand bout de rabiot qu'elle a eu parce qu'elle achetait pour beaucoup à la fois. 11 aiguilles, une de plus que le compte, et une pelote de fil noir et une de blanc. À chaque exposition et dénombrement, des « oh » et des « ah » des foutres, des merdes, exclamatifs et admiratifs, saluaient le déballement de l'achat nouveau. « Chico !» s'écria tout à coup Tigibus, comme s'il eût joué à poursuivre un camarade. Mais à ce signal d'alarme, annonçant l'arrivée du maître, tout le monde se mêla, tandis que Tintin fourrait pêle-mêle et entassait dans sa poche les divers articles qu'il venait de déballer. La chose se fit si naturellement et d'une façon si prompte que l'autre n'y vit que du feu. Et s'il remarqua quelque chose, ce fut l'épanouissement général de toutes ces frimousses qu'il avait vues l'avant-veille si sombres et si fermées. « C'est étonnant, » pensa-t-il, « combien le temps, le soleil, l'orage, la pluie ont d'influence sur l'âme des enfants. Quand il va tonner ou pleuvoir, on ne peut pas les tenir. Il faut qu'ils bavardent et se chamaillent et se remuent. Quand une série de beaux temps s'annonce, ils sont naturellement travailleurs et dociles et gais comme des pinsons. » Brave homme qui ne soupçonnait guère les causes occultes et profondes de la joie de ses élèves, et le cerveau farci de pédagogie fumeuse, cherchait midi à 14 heures. Comme si les enfants, vite au courant des hypocrisies sociales, se livraient jamais en présence de ceux qui ont sur eux une parcelle d'autorité. Leur monde à part, ils ne sont eux-mêmes, vraiment eux-mêmes, qu'entre eux, et loin des regards inquisiteurs ou indiscrets. Et le soleil comme la lune n'exerçaient sur eux qu'une influence, en l'occurrence, bien secondaire. Les Longevernes commencèrent à se poursuivre, à se courater dans la cour, se disant lorsqu'ils se rejoignaient. « Alors ça y est, c'est ce soir qu'on leur y fout ?»« Ce soir, oui. Ah, nom de Jus, ils n'ont qu'à venir, qu'est-ce qu'on va leur passer ?» Un coup de sifflet, puis la voix naturellement rogue du maître. « Allons, en rang, dépêchons-nous » interrompirent ces évocations de bataille et ces perspectives de prouesses guerrières futures.